Pourquoi les Argentins disent qu'ils savent faire la fête ? L'immense liesse populaire qui a suivi la victoire de l'Argentine lors de la dernière Coupe du monde de football a été présentée comme une magnifique illustration des liens de sociabilité qui soudent le peuple argentin malgré une situation socio-économique extrêmement difficile. Il se pourrait que cette particularité soit la conséquence d'un rapport à l'État très différent de celui qui s'est imposé dans le cas de la France. Les recherches historiques qui se sont penchées sur cette question ont insisté sur les conditions particulières dans lesquelles l'Argentine a conquis son indépendance. C'est en 1810 que l'ancienne vice-royauté de Rio de la Plata, dont Buenos Aires était la capitale, s'est émancipée de la tutelle espagnole pour devenir indépendante de fait. Mais elle fut incapable de se constituer politiquement comme un État-nation en raison des aspirations autonomistes des différentes provinces. Buenos Aires se développa alors de façon autonome, comme une cité-État commerçante appuyée sur un vaste arrière-pays agricole. À partir de 1852, date de la chute du dirigeant conservateur Juan Manuel de Rosas, une petite minorité libérale et éclairée accéda au pouvoir. Elle s'efforça de promouvoir un modèle de nation fondé sur la conviction que la sociabilité et non le droit était la principale caractéristique de la nationalité des Porteñas, surnom des habitants de Buenos Aires. La sociabilité qui était, pour les libéraux, la condition du progrès et la raison d'être d'une nation, fut alors présentée comme un véritable mode de vie collective, phénomène illustré par le nombre croissant et la variété des associations professionnelles, culturelles et politiques. Que ce soit dans le domaine de la bienfaisance, de l'éducation ou même dans le domaine économique, les initiatives de ces associations devancèrent celles de l'État et parfois s'y substituèrent. La société civile se constitua alors en une sphère publique qui devint l'antichambre du pouvoir, puisque ce furent surtout des hommes ayant fait l'expérience de cette sociabilité moderne qui accédèrent aux fonctions dirigeantes à cette époque. Cette évolution ne mit pas fin pour autant aux activités communautaires qui avaient dominé jusque-là en Argentine. Les clubs électoraux, institutions dans lesquelles étaient désignés les candidats, continuèrent à fonctionner dans le cadre paroissial, ce qui permettait aux clans qui s'affrontaient d'étoffer leur clientèle politique. Le cadre communautaire servit ainsi de relais pour les clubs, les associations et la presse d'opinion qui animaient la vie politique au sein de la cité-État de Buenos Aires. Il faut toutefois préciser que ce processus resta très longtemps limité aux élites, ce que prouve la très faible participation des citoyens aux élections. En 1880, Buenos Aires devint la capitale de l'État fédéral d'Argentine. L'idée d'une nation fondée sur la sociabilité de ses membres se diffusa alors dans tout le pays et s'incrusta dans l'imaginaire collectif. Au XXe siècle, le développement des activités sportives et tout particulièrement du football fut un moyen essentiel pour répandre cette culture associative au sein des classes populaires.